Come here a minute. Oh, can I go? Can I just go, please? Not yet. It's okay. This'll just make you sleep, is all. What? Voilà plus d'un an que je ne suis pas allé à un concert, et ça vous manque pas, vous, de plus sentir la pierre coller sous nos pieds, de plus entendre les boules quies vouloir exploser, de plus vivre la vibration du sol, des basses, des bruits de votre cœur. De plus vivre cette merveilleuse épiphanie qu'est la musique en vrai, tangible. C'est pour moi une grande tristesse, c'est pourquoi j'ai voulu nous replonger dans un vieux festival, en 1970, qui m'a depuis longtemps très intéressé. C'est peut-être l'événement qui révèle le plus les questionnements de la fin des années 60. Oui, plus que le mythique Woodstock de 69. Peut-être aussi que le festival de l'île de Wight de 1970 donne quelques échos à la situation culturelle actuelle en cette belle année 2021. Alors souvenez-vous, en 1970, les États-Unis sont toujours enlisés au Vietnam. En mai, une manifestation étudiante est réprimée dans le sang par la garde nationale de l'Ohio et y fait 4 morts. C'est l'apogée et le déclin quelque part de la contre-culture des 60s. En 1970, la Cour suprême reconnaît le droit à l'avortement comme un droit constitutionnel et le droit de vote sera baissé à 18 ans. Quant à la musique, évidemment, elle accompagne de près ces bouleversements. C'est le cas sur une petite île endimanchée entre l'Angleterre et la France, où se donne il y a 50 ans, du 26 au 31 août 1970, la troisième édition du festival de l'île de Wight. Les estimations du nombre de spectateurs restent vagues, mais on dit qu'environ 500 000 personnes se sont retrouvées durant ce grand week-end. Parmi eux, seulement 50, 60 000 pas plus ont payé leur ticket. Vous imaginez bien qu'il y a dû y avoir des tensions, et bien c'est ce qu'on va voir dans ce chouette épisode dans lequel on va traverser ces 5 jours de festival à grands coups de tonnerre rock. Certains définissent cet événement comme étant la date de la déchéance de la culture hippie, là où les rêves fondent au soleil, là où les dernières espérances d'un demi-million d'âmes sont venues pour brûler dans une jolie énergie chaotique. Il est considéré comme le dernier grand show hippie, en somme. Enfin, c'est ce que nous allons voir en tout cas, c'est plutôt la première fois où on a la preuve de la confrontation hippie avec l'argent. Là où on se dit, tiens, il faut payer pour assister à des concerts. Mais alors ça veut dire quoi, payer pour de la culture? Et surtout, est-ce que nos utopies peuvent faire vivre nos artistes préférés? N'y a-t-il pas en ce monde une incohérence entre valeurs psychédéliques et la réalité? C'est ce qu'on va se demander en écoutant les groupes connus et un peu moins qui furent à l'affiche de ce Isle of Wight Festival de 1970. Trois artistes en particulier allaient y donner leur dernier souffle vitaux. Jimi Hendrix, Jim Morrison et Keith Moon y font une de leurs dernières performances. Et les rumeurs disent que dans le public se trouvait d'ailleurs un certain David Gilmour. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite à tous une bonne plongée sur une île du passé et un bon trip révolté sous LSD. Nous sommes le mercredi 26 août 1970. Devant nous, il y a un immense site de festival. L'horizon bordé par une colline brillante de mille feux laissait les regards se perdre dans l'immensité du ciel, de la terre et de la mer. Oui, le festival de Wight de 70 se déroule au bord de la plage. Ceux dans l'enceinte du festival ne peuvent pas voir les vagues, seulement ceux sur cette colline-là. Les festivaliers arrivent en masse à bord de ferries findant la Manche, puis à bord d'autobus verdoyant. L'île s'anime et se peuple. On choisit son camp, certains paient et rentrent dans l'enceinte, les autres, eh bien, ils montent sur la colline. Les organisateurs ont pensé que ces rebelles renonceraient à aller s'y installer. Le souci, c'est que là-haut, la vue est imprenable sur la scène du festival. Paraît-il même que le son y est souvent excellent, par vent favorable. Au diable, le manque à gagner, selon les calculs de certains, ils étaient suffisamment nombreux en bas pour subvenir aux frais. Ce qui n'était pas de l'avis des organisateurs, hein, qui rouspètent un peu au micro de la scène entre les premiers sets de musique folk et country. On entend entre autres Rosalie Sorel, Davin Bromberg et un groupe de rock US influencé par les musiques traditionnelles indiennes, j'ai nommé Redbone. En tout cas, l'ambiance se gâte dès que la nuit tombe, sur ce premier jour de festival. C'est là que Chris Christopherson, un chanteur de country à la vie folle, qu'on racontera peut-être une autre fois, commence à jouer. Et à ce moment-là, des centaines de points frappent les barrières du festival. Des points qui veulent rentrer, entre guillemets, rendre le festival libre. Alors quand on entend ça, ça donne plus un sentiment de peur. Encore plus quand on la voit et qu'on l'entend, la peur, hein, dans les yeux et dans la voix des musiciens sur scène. Dans quelques instants, vous allez entendre Chris Christopherson dire « Nous allons jouer deux autres chansons, sauf si des coups de feu sont tirés. » Et puis, sans réelle réponse du public, il dit à son groupe, par-dessus son épaule, « Je pense qu'ils vont nous tirer dessus. » Il commence une chanson de son premier album, la très populaire « Me and Bobby McGee », que Christopherson a sorti juste 4 mois avant le festival. Populaire, oui, car le refrain de la chanson, qui dit « La liberté n'est qu'un autre mot pour dire « je n'ai plus rien à perdre », a peut-être de l'importance pour ceux qui tapent contre les barrières du festival. En tout cas, Christopherson ne finira pas cette chanson s'en allant au milieu de celle-ci. Can you hear me out there or not? I can't sing real loud. Does that mean yes or no? Hey, man. We're gonna do two more in spite of anything except rifle fire. Now we're split. Is it my festival? What can I do? We just work here, you know? I think they're gonna shoot us. Busted flat in Baton Rouge, heading for the train. Feeling nearly faded as my tunes. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana. It was blowing sand while Bobby sang blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a bit of a song that driving news. Freedom's just another word. La révolte a commencé et ne cessera de croître. Alors que le jeudi 27 pointe le bout de son nez, on peut entendre, en ce deuxième jour de festival, le rock anglo-saxon de Terry Reid. « Juste après, les Brésiliens Gilberto Gil et Caetano Veloso débarquent sur scène avec toute une foule de gens. I'd just like to explain to you that these good people that are coming on stage are from Brazil. And one of the reasons they're here is because politics doesn't allow them to do their thing in Brazil. One thing for sure, they can do it here. On voit les organisateurs aussi sur scène. Preuve que ce jeudi 27 est le jour où tout le monde ferme les yeux sur la contestation qui gronde. On essaie de faire comme si, de faire avec, préférant distribuer des pots de peinture aux jeunes dehors en se disant que s'ils travaillent bien, ils auront leur place au festival. Oui, vous avez bien entendu, les organisateurs ont littéralement distribué des pots de peinture. Alors que ce sont maintenant des ferries et autocars de policiers, de chiens de sécurité, qui arrivent de la côte. On a l'impression d'être dans un camp de concentration avec ces murs. Ça provoque l'individu. Dès le moment qu'on voit ces murs, tous ces flics avec leurs chiens. Le vendredi 28 août 1970, le troisième jour de festival, le mouvement contestataire s'accroît encore et encore. Des bouts de barricades tombent peu à peu et un village communal prend de l'ampleur. On l'appelle « Desolation Row ». Il a été créé des semaines avant le festival par des gens qui ne venaient pas pour aimer les superstars. Leur volonté de briser les clôtures est logique pour eux. La vision collective de l'underground, c'est que les gens ont du pouvoir. Comme dirait l'autre, la culture appartient à ceux qui l'ont créée. Et lors du festival de Lied de Wight de 1969, un an avant celui-ci, la barrière interne entre le public et la presse a été menacée. Cette année, en 70, elle a été déchirée. S'il n'y avait pas eu de soupape de sécurité, les clôtures environnantes auraient été démolies de la même manière. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'on peut voir sur scène le groupe canadien Lighthouse qui chante pour la paix en ce monde. Paradoxal, non ? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Peace on earth could live forever if we only try giving love to one another, understanding and singing together. La la la la la la la na mi yo ho renge ki yo la la la la la la la na mi yo ho renge ki yo. Peace on earth could live forever if we only try giving love to one another, understanding and singing together. La la la la la la la na mi yo ho renge ki yo la la la la la la la na mi yo ho renge ki yo. Peace on earth could live forever if we only try giving love to one another, understanding and singing together. Sur scène, on entend aussi la folk psyché des Fairfield Parlour, anciennement Kaléidoscope. Si je vous en parle, c'est parce qu'ils ont enregistré un single spécialement pour cette troisième édition du Festival de White. Ils se sont renommés I Love White, mais le single, que j'ai retrouvé pour vous, n'a pas vraiment percé. On s'écoute donc Let the World Wash In par I Love White. Stepping through the hands, my eyes adjusting to the light, I find no need of words, and I notice that you feel the same. Space between the skies taken up with something else, we feel each other perfectly in company again. Nothing moves, and yet there's movement everywhere. I know it, could we all be part of something else or something part of us? And then the world washes, let it pour over and over. Let the world cette belle journée entachée de hippies mécontents, qu'on va continuer notre écoute des concerts du festival avec Taste. Alors Taste, c'est du gros rock en trio, irlandais qui plus est, et je les ai découverts précisément avec leur performance à ce festival. Et j'aime beaucoup, dans cette simplicité, dans cet aspect un peu rentre-dedans, très bluesy par moments, on y retrouve sans doute des graines de ce que sera le hard rock quelques années plus tard. Thank you. Taste, on passera sur le reste de la programmation musicale du festival en ce vendredi déclinant, mais très vite on pourra entendre, sur fond d'émeute, la pop-rock de Chicago. Le nom Chicago résonne un peu plus jusqu'à nous, un peu plus que Taste par exemple. Avec Chicago, on reste sur de la pop-rock très festive, tranquille, avec des cuivres, vous voyez le style. La chanson de leur live sur l'île de Wight que je voulais vous faire écouter s'appelle 25 or 6 to 4. C'est une chanson sur le fait d'essayer d'écrire une chanson au milieu de la nuit, un peu avant 4h du matin, comme disent les paroles. Certains voient aussi dans cette chanson des références à la drogue, comme si le titre suggérait le nombre de joints pouvant être roulés avec un 10 balles, qu'on appelle un dime bag chez les anglophones. Enfin bref, je vous laisse écouter le début de cette chanson, oui que le début, car le titre fait plus de 8 minutes. On se laissera quand même apprécier le premier solo. For the break. Security's gonna fuck it all up. What do you mean? All the security they've got up there. I mean, the double fences and the dogs running around. Yeah, that's right. That's going to really make it bad. They've got to protect the bread, haven't they? They've got to protect the bread, sure, but, I mean, that's going to fuck up all the vibes. I mean, it'd be really bad. They're suspicious of these fences. They're suspicious of the fact that there's, you know, you've got your it's almost like a feudal court scene, this, where you've got your royalty, or your royalty on the stage, and backstage you have the courtiers, the groupies and the managers, the people that keep the kings, the pop kings in power. And then you have your serfs out in the audience, all you know, behind corrugated iron fences or inside the corrugated iron fences. You will not be allowed in without a ticket. So please have a ticket and have it ready to show the steward. The wall is there because otherwise you don't have a community feeling. At the same time, if there wasn't a wall there, everybody obviously would take advantage of the fact that they could get in for nothing. I mean, I would do that. Juste après le set de Chicago, sur la scène du festival, viendra le groupe Family, dont j'ai trouvé les restes sonores de leur concert vibrant. Pour Family, je vous préviens, la qualité du son que j'ai trouvé n'est pas excellente, mais je voulais vraiment vous la faire écouter parce qu'elle arrive à chaque écoute à me donner la chair de poule. Let me look and see the pattern of my life gone by, shone on your tapestry. Quelques-uns se terrent dans ces tanières. Là plane en permanence l'odeur sucrée de la Marie-Jeanne. Là se vend le LSD. La police arrêtera un peu plus de 100 personnes pour usage de stupéfiants. Autant dire qu'elle a retiré une goutte d'eau de l'océan. Le samedi 29, quatrième jour de festival déjà, on commence à voir des artistes très populaires. On écoutera à la nuit tombée Les Who, Les Doors, Miles Davis, mais avant ça, sous un soleil radieux, parlons du set tumultueux de Joni Mitchell. Alors Joni Mitchell, on ne la présente plus. D'ailleurs, une foule immense l'attend. Et face à cet océan d'âmes, elle est seule sur scène, toute de jaune vêtue, comme une reine folk dorée. Après à peine 25 minutes de musique, la prestation de Joni Mitchell est interrompue précisément après sa chanson Woodstock. Quelle ironie, c'est un espèce de hippie contestataire et mou qui l'interrompt. Un certain Yogi Joe, qui commença à parler des fans regardant le concert en hauteur sur la colline avant d'être traîné hors de la scène. Alors cette histoire est restée dans bien des cœurs, et sur le moment, dites-vous bien qu'une partie de la foule a pris le parti de Yogi Joe, surtout après que Joni Mitchell commenta « Je pense que tu joues au touriste, mec ». Et bref, après avoir dégagé de la scène, le vieux Yogi Joe, avec sa tronche de Charles Manson, avec sa pilosité hirsute, a dit des choses intéressantes sur les fameuses barricades que tant de gens veulent arracher pour entrer gratuitement sur le site du festival. Il dit ces mots en backstage, on peut l'entendre dans le fameux documentaire que je vous conseille, Johnny Mitchell, Both Sides Now, disponible sur YouTube. Voilà ce qu'il dit. Ricky, un des organisateurs, est venu vers moi mercredi dernier. Il m'a donné 1 000 000 de tickets et m'a nommé à la tête du comité officiel pour peindre la clôture afin de la rendre invisible. L'organisateur voulait rendre la clôture invisible parce qu'elle l'embarrassait. Je lui suggérais de mettre des panneaux pivotants. Depuis, nous avons découvert que ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes tous issus de la classe moyenne et nous ne pouvons nous payer notre festival. Avec 1 $ de moins, on aurait pu se le permettre sans clôture. Ce qu'on dit moins, c'est que le set de Johnny Mitchell a été interrompu une deuxième fois par un hélicoptère bruyant qui a fait huer et hurler le public. Et parce que Johnny Mitchell, c'est toujours aussi bon, on va s'écouter le fameux Woodstock en question. Imaginez là-dessus le regard de Johnny Mitchell scrutant la foule, presque avec tristesse. En somme, comme une prêtresse devant des âmes en peine, une bergère face aux dizaines de milliers de vilains petits canards. prochain à faire son apparition sur la scène de l'île de Wight est le grand Miles Davis, et avec lui toute une troupe de musiciens. Miles Davis est là pour interpréter, ou expérimenter devrais-je dire, son récent chef-d'œuvre Beaches Brew, sorti quelques mois plus tôt. Voilà, ça y est, le Miles Davis a sauté pieds joints dans le jazz psychédélique, free, avec un jeu sourd, presque violent. Moi j'appelle ça du jazz à pattes d'ef chaotique. Dites-vous bien que Miles Davis joue ce soir-là devant le plus grand public jamais atteint pour un musicien de jazz. Le trompettiste est plus habitué aux clubs enfumés qu'aux marées humaines. Miles Davis de programmer sur ce festival n'a rien d'anodin. On dit que ça fait un peu écho au goût éclectique et ouvert de l'époque. De nombreux fans de rock étaient avides de musique nouvelle, dont le jazz faisait partie. Pendant ce temps-là, dans la foule, des officiers de la brigade des stupes s'infiltrent avec des vêtements hippies. Des affrontements se déclenchent entre les agents de sécurité, leurs chiens et les casseurs de barrières. Emerson, Lake and Palmer a été le premier super groupe de l'histoire du rock progressif. Peu de groupes peuvent se remémorer à un moment unique où ils sont passés d'une relative obscurité à la célébrité, annonçant l'arrivée d'un nouveau son tout à fait distinctif. Trois musiciens, trois piliers. D'abord, on trouve le claviériste Emerson, qui avait attiré l'attention pour sa technique stupéfiante et sa pyrotechnique théâtrale dans le groupe The Nice. Ensuite, Palmer avait frôlé le succès en tant que batteur avec The Crazy World of Arthur Brown et avec Atomic Rooster. Enfin, mon préféré, le bassiste et chanteur Lake s'est retrouvé au centre des acclamations avec In the Court of the Crimson King de King Crimson, bien sûr. Leur show du festival n'était que leur deuxième concert. Ils sont apparus 6 jours plus tôt à Plymouth, mais le groupe n'avait pas encore sorti d'album studio et n'avait pas de catalogue complet à sélectionner pour le spectacle. Rien n'aurait donc pu les préparer à répondre à cette très importante performance live. Figurez-vous même qu'arrivé sur l'île de Wight, Jimi Hendrix avait exprimé son intérêt à jouer avec eux. Il semblait fatigué de son groupe et voulait essayer différentes idées. En raison de conflits d'horaires des musiciens, cela n'a malheureusement pas été possible. Mais le plan était d'unir Hendrix avec le groupe, plus tard dans l'hypothèse de créer un Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. En tout cas, Emerson, Lake and Palmer ont joué samedi soir avant les Doors. Le groupe a ouvert le spectacle avec The Barbarian, sans perdre une seconde et roulant à travers les notes comme un rouleau compresseur sur le public, dans un assaut de notes, de basses déformées, de claviers furieux, de tambours éparpillés comme des cafards dans la lumière. Toute la recette du prog est ici superbement exécutée sans faute. Le Moog, qui était relativement nouveau et révolutionnaire à l'époque, assure la création d'un prog rêveur. La performance du groupe a montré le trio en plein vol, défini par le travail de batterie complexe de Palmer, la solide basse de Lake et la magie d'Emerson. Le spectacle a circulé pendant des années sous forme de bootleg et a finalement été officiellement publié en 1998. Il est vrai que la musique qu'il contient a été jouée de nombreuses autres fois, enregistrée et diffusée beaucoup mieux sur d'autres sets live, et le son n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. On peut entendre constamment sur l'enregistrement un bruit électrique persistant et ennuyeux. Cependant, il s'agit d'un document historique très important qui représente la naissance d'un grand groupe. claim it isn't money that they're interested in. Nobody seems to be interested in money. The agents, the artists, are you, me, so forth and so on. But to put one of these festivals on, everybody's got to be paid. What do they claim they're interested in, by the way? It couldn't be love, because they love money. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Want it, want it, want it. Bread, man, bread. Pay, pay, pay. Alors après Emerson, Lake and Palmer, on va avoir deux concerts importants, le jour et la nuit, ou plutôt la nuit et le jour, car vont se suivre le concert des Doors et celui des Who. Pas mal comme soirée. Pourquoi je dis la nuit et le jour? Eh bien, c'est parce que va suivre un show larmoyant blues rock sombre des Doors, un show autrement plus actif, électrique et énergique des Who. D'abord, parlons du concert des Doors. Les Doors ont d'abord refusé d'être filmés et ont tardé à monter sur scène pendant des heures, alors qu'ils demandaient que toutes les caméras soient retirées de la scène et que les lumières de tournage soient éteintes. Alors évidemment, les gens tapent du pied, trépignent, tant on les attend ici, sur les terres de l'ancien monde. Parce qu'après 5 années de succès fulgurant et un début de tournée américaine, voici leur première apparition en Europe. Ce concert des Doors est mythique pour plein de raisons. D'abord parce que c'est tout simplement leur avant-dernier concert. Ensuite, parce qu'à ce moment-là, Jim Morrison n'a plus qu'un an à vivre. Un peu de contexte. Grâce aux extras du DVD du live The Doors Light at the Isle of Wight Festival 1970, on apprend que le groupe ait accepté l'offre du festival avant qu'ils aient su que Jim serait en procès à cause de son comportement en leur concert à Miami le 1er mars 69. Ce soir-là, pour le plus grand plaisir des spectateurs, Jim a retiré un à un tous ses vêtements. Alors selon les autres membres des Doors, Jim a fait ça à Miami car il avait vu une pièce du Living Theater où les acteurs enlevaient tous leurs vêtements, venaient dans le public et essayaient de pousser le public à faire de même. Jim a voulu faire sa version du Living Theater au concert de Miami, mais sans prévenir les autres musiciens. Au moment du concert à Miami, Jim boit beaucoup pour se donner du courage et il arrive ivre, évidemment. Très vite, il dégénère et commence à sermonner le public en les questionnant « Qu'est-ce que vous êtes venu voir ce soir ? Vous êtes venu voir ça, hein ?» Il commence à se déshabiller. Là, on sait qu'un roadie a attrapé Jim avant qu'il ait le temps de montrer sa bite, tout simplement. Lundi matin qui a suivi, la presse s'est enflammée, en partie à cause des élections qu'il y avait en Floride à ce moment-là. Ce n'est qu'une semaine après que Jim, effrayé, a reçu le mandat. Il aurait pu passer 3 ans et demi à la prison de Rayford. Et qui sait, ça aurait pu le sauver. La tournée d'une vingtaine de villes a été supprimée et le procès dura jusqu'au 17 août 1970, soit 10 jours avant le festival de White. Pendant le concert, qu'on va entendre juste après, les membres des Doors n'avaient pas peur. Ils voyaient bien que des barricades du coin de l'œil étaient en train d'être abattues. Et puis Jim adorait ça, mais à ce moment-là, il n'était pas de bonne humeur à cause du procès. On pourra dire ce qu'on veut de la performance de Jim ce soir-là, mais au moins, il était sobre. Il a pris le concert sérieusement. Jim est droit, assagi, comme sous le choc, et sa voix n'a jamais été aussi claire. Le soir de leur concert au festival de Lee DeWitt, les Doors n'ont aucune lumière. Ils ignoraient qu'ils devaient apporter leur propre matériel. On leur alloue alors un énorme spot rouge, et c'est tout. En pleine nuit, les Doors semblent commencer une messe pourpre à l'océan humain dans le noir devant eux. Si bien que quand le groupe fait sonner le morceau « The End », il tombe sur la foule ahurie comme un hymne. « The End » est l'emblème d'une lutte sombre, car tout le monde en a conscience ce soir-là. On assiste à la fin du dernier festival pop et hippie. Alors on chante encore une fois contre la guerre. Les portes rouges de la perception étaient peut-être un peu entrouvertes cette nuit-là. Et pour vous donner un aperçu sonore de la performance, voici les Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Of our elaborate plans, of everything that stands, I'll never look into your eyes again. Can you picture what we'll be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. In morning, got the crossroads on my mind. Well, I woke up in morning, got the crossroads on my mind. Take a walk with me, give a hang. We'll be right back. That's right. That's right. Wake up! You gotta remember where it was. Had this dream stopped? The snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prisoners. Now. Slide down the cruel smooth tile. Oh, the good cold stinging blood, the smooth hissing snakes. Thank you. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we tried to die. This is the Les Who étaient, quant à eux, surproduits. Des lights partout, un jeu de scène survolté. Ils apparaissent comme les vrais stars de la soirée. Commençant par les hits de leur discographie, puis par de larges extraits de leur opéra rock, Tommy. Je ne développerai pas plus leur performance ici, mais je voulais savourer un extrait de leur set. My mother's gonna be very upset at all this. Well, I mean, if I went home and said I smoked shit, wow. Yeah. If I went home and I dropped acid, they'd put me in a mental hospital. But the police are declaring an amnesty to all people under the age of 17 that have any drugs or former drugs on them. If they wish, they can go and give the drugs to the chief of police, and he's going to get one hell of a stone. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm home of your loving mind, to feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. Enfin, pour le dernier jour de ce festival chaotique, nous allons écouter les archives de 5 lives et demi qui vont clôturer notre chouette épisode. Tout d'abord, on trouve le groupe Free jouant devant la marée humaine d'un demi-million de personnes. Free, je ne sais pas quoi en dire honnêtement, à part qu'on sent un hard rock 70s naissant, balbutiant dans cette formation très bluesy et très efficace. Je vais vous faire écouter Free avec leur chanson I'm a Mover et un extrait des deux concerts qui suivent. Celui des Moody Blues avec leur titre The Sunset, autrement plus efficace à mon avis. Et enfin, Jethro Tull avec Nothing is Easy, bien sûr. On se retrouve juste après pour parler du live de Jimi Hendrix. Bonne écoute. Thank you.

squeeze won't turn out so bad. Le set de Jimi Hendrix pendant la dernière nuit du festival fut aussi le dernier concert du guitariste avant sa mort 3 semaines plus tard. Sur ce concert, le journaliste alternatif Richard Neuville en parle dans son mythique magazine Oz. Voici ce qu'il dit. « J'attendais le show de Jimi Hendrix pour avoir une bouffée d'euphorie. Auparavant, je l'avais vu contrôler seul les foules. Mais ce soir, il était désordonné et incertain. La foule, distante, tendue, attendait qu'Hendrix puisse libérer son énergie. Mais elle a attendu, attendu comme Godot. Hendrix a gémi. « Je ne suis pas encore venu, je ne suis pas encore venu. » Des officiels inquiets se sont précipités dans les coulisses. Les amplificateurs étaient empilés les uns sur les autres pour compenser en décibels ce qui manquait d'art. « Motherfuckers !» dit Hendrix en embrayant sur « Hey Joe ». « Merci d'avoir été si patient, dit-il de manière claire. La prochaine fois, nous essaierons de nous ressaisir. » L'acide avait pris. Jeff Dexter est revenu sur scène pour appeler à l'aide. « Nous semblons avoir un feu. Quelqu'un pourrait-il nous aider ?» Et nous avons admiré la fumée, se déplaçant doucement vers les sorties, supprimant la peur. Et on a senti une tension dans sa voix. Alors la panique a refait surface. Plusieurs personnes ont grimpé dangereusement par-dessus les clôtures. J'ai été évacué sur le côté de la scène, où 2 camions d'eau potable se sont arrêtés et les gars ont commencé à tâtonner des tuyaux volumineux, rigides et désespérément courts. Un homme s'est élevé au-dessus de la scène en gesticulant avec des fusées éclairantes et je suis rentré à la tente de mes amis. Dehors, j'ai rencontré Charles, un copain. Il pleurait et tremblait. Il disait « Tout ce en quoi j'ai cru est terminé. Vous ne voyez pas qu'Hendrix disait au revoir. Il a échoué parce que nous avons tous échoué. » Nous nous goujons avec des canettes de coca et on n'a rien créé. Hello, how are you doing, England? Glad to see you. We'll do a thing called freedom. Voilà, c'était un extrait du set de Jimi Hendrix au live Tale of White. Enfin, il reste à parler du concert de Leonard Cohen. Et pour ce concert, encore une fois, Richard Neuville dit cela. Leonard Cohen avait chanté sans fin toute la nuit et bravait maintenant un cinquième rappel. Il était à peine capable de se tenir debout. Des milliers de spectateurs dormaient, d'autres à moitié réveillés, serrés des couvertures, d'autres étaient dans des cagettes construites à partir de tôles ondulées. Ils étaient gelés, épuisés. C'était le matin d'un festival épuisant. Encore une fois, Cohen a essayé de quitter la scène, mais le public l'a tendu comme une paille. Plus que n'importe qui d'autre, Leonard Cohen représentait l'humeur de la foule, les mains tendues en plainte de solitude et de suicide. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm, yeah. Many love before us, I know we are not new in city and in forest. They smile like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner now, our steps will always rhyme. You know my love goes with you, your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. A sleepy golden storm, yeah. Many love before us, I know we are not new. In city and in forest, they smile like me and you. Ah, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Voilà, vous venez d'écouter Leonard Cohen. Pour conclure ce chouette épisode, je voulais vous dire que j'ai pas pu vous passer tout ce que je voulais, évidemment. J'ai fait une sélection des prestations dont j'allais parler, mais je vous renvoie, si jamais ce petit bout d'histoire musicale vous a plu, vers le documentaire Message to Love, réalisé par Murray Lerner. Ce sont d'ailleurs les images et le son de Murray Lerner et son équipe qu'on retrouve dans tous les DVD live des groupes que vous pourrez retrouver un peu partout, y compris sur YouTube, même si les vétérans du festival disent que ces images ne rendent pas vraiment justice à leur expérience de l'événement. Et ça se comprend. Le film Message to Love est assez flou dans sa temporalité. Il y a beaucoup de petits morceaux de sets et d'interviews vite coupés. On ne se pose jamais et on met toujours au profit les gros groupes. Voilà. Il y avait d'autres groupes importants qui sont passés par cette édition du festival, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de captation de leurs concerts. Parmi eux, il y avait Hawkwind, Supertramp, Ten Years After, Tiny Tim, Donovan, Pentangle et Sly and the Family Stone. Alors comme la chouette tradition le veut, on va se quitter sur de la musique. Je vous ai concocté un petit medley de reprises des Beatles qui ont été faites pendant ce festival. Vous allez entendre le Twist and Shout des Who, le Sgt Pepper de Jimi Hendrix et le Let It Be de Joan Baez. Enjoy mes chers auditeurs, merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles aventures sonores dans la nuit silencieuse. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.